Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gamozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet. Il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le mardi 12 février, nous souhaitons une bonne fête au Félix, ça vient du latin signifiant heureux. Félix est un être tendre, amical, appréciant la compagnie, émotif et sensible, d'apparence flegmatique, correspondant assez bien au tempérament lymphatique. La vie semble être pour lui un long fleuve tranquille, car Félix, assez lent, n'est ni vraiment dynamique, ni vraiment entreprenant, ni vraiment volontaire et préfère remettre au lendemain ce que l'on peut faire le jour même. Assez dépendant de son environnement, il est sensible aux ambiances et peut passer de l'indolence ou de la paresse à une suractivité lorsqu'il se sent stimulé amicalement ou affectivement. Sa nature est cyclotimique. Tout dépend chez lui de la motivation. Aussi fera-t-il alterner des périodes de vie au ralenti et d'autres plus agitées, saisies par une brusque impulsion qui peut d'ailleurs très vite se relâcher, car il a une fâcheuse tendance à vivre plus dans ses rêves que dans la réalité. Ses atouts sont son charme, sa gentillesse, sa serviabilité et son esprit de camaraderie. Sa finesse psychologique doublée d'intuition ainsi que son savoir-faire certain pallient en quelque sorte sa paresse. Emprunter une route sociale et souvent humanitaire le motivera et lui permettra de vivre son maître nombre 11. Il s'épanouira particulièrement en réalisant ses rêves, ce qui lui procurera une certaine force et l'aidera à passer à l'immaturité du besoin de prise en charge à la prise de responsabilité propre à la maturité. Dicton du jour, au 12 février, soleil clair, encore 40 jours d'hiver. Dans les célébrations internationales, aujourd'hui c'est la journée Darwin qui rend hommage à la vie et aux découvertes de Charles Darwin qui était né ce même jour en 1809. En Birmanie c'est le jour de l'Union, au Chili c'est le jour de l'indépendance qui célèbre l'indépendance vis-à-vis de l'Espagne. Aux États-Unis c'est la fête anniversaire d'Abraham Lincoln, fête légale hein, célébrée depuis 1874 en souvenir de la naissance de Lincoln ce jour en 1809. C'est aux États-Unis toujours le jour de la Géorgie qui commémore l'arrivée des premiers colons en 1733 dans le navire Anne. Et au Venezuela, c'est le jour de la jeunesse. Dans les événements qui se sont déroulés un 12 février en 1818, le Chili proclamait son indépendance. En 1968, Jean-Claude Killy gagnait la deuxième de ses trois médailles d'or des Jeux d'hiver hein, qui avaient lieu à Grenoble. En 1986, le premier ministre britannique Margaret Thatcher et le président français François Mitterrand signaient à Lille le document officialisant le projet de construction du tunnel sous la Manche. 1994, c'était l'ouverture des 17e Jeux Olympiques d'hiver. C'était à Lillehammer en Norvège. 2002, la Française Carole Montier remportait la descente aux Jeux Olympiques de Salt Lake City. Et l'année dernière, Martin Fourcade remportait une nouvelle médaille aux Jeux Olympiques, sa troisième sur deux Olympiades différentes. Il égalait ainsi Jean-Claude Killy, qu'il dépassera d'ailleurs par la suite. Allez, on va tout de suite marquer une première pause musicale avec le chanteur Damien Rice en duo sur le titre Nine Crimes avec Lisa Hannigan. Time, she's pulling me through it. a small crime, and I got no excuse, and is that all right? Yeah, I give my gun away when it's loaded, is that all right? You don't shoot it, how am I supposed to hold? Is that alright? Yeah. Forgive my gun away when it's loaded. Is that alright? Is that alright with you? Is that alright? Yeah. Forgive my gun away when it's loaded. Is that alright? Yeah. You don't shoot it, how am I supposed to hold? Is that alright? Give my gun away when it's loaded. Is that alright? Is that alright with you? Is that alright? Nine Crimes de Damien Rice et Lisa Hannigan sur RGM. Il est presque 8h38, on parle anniversaire. Ils sont nés un 12 février 1945, naissance de Maud Adams, actrice suédoise, connue pour ses deux rôles différents de James Bond Girl. La première fois, c'était dans L'Homme au pistolet d'or en 1974 et le second, c'était dans Octopussy, sorti en 1983. 1950, naissance de Michael Ironside, acteur canadien, connu pour son rôle de Rick Easerly, alias Chester dans le film Top Gun, vu également dans Total Recall, Sauvé Willy dans le rôle de Dial, la série télé Urgence dans le rôle du docteur William Swift, Andromeda ou encore Smallville dans le rôle du général Sam Lane. 1956, naissance d'Arsenio Hall, acteur humoriste américain, vu dans Un prince à New York, Les Nuits de Harlem ou encore la série télé Le Flic de Shanghai dans le rôle de Terrell Parker. 1962, naissance de Corinne Benizio, actrice et humoriste française connue sous le nom de Shirley, du duo qu'elle forme avec son époux Gilles, Shirley et Dino. 1965, naissance de Mia Frye, chorégraphe, actrice américaine connue pour avoir fait la chorégraphie dans le vidéoclip de la chanson et tube de l'été, la Macarena, hein, du groupe Los Del Rey, tube planétaire hein, d'ailleurs, en 1993. Et elle est apparue dans les films Nikita, Le Cinquième Élément, Podium ou encore Le Dahlia Noir. 1968, naissance de Josh Brolin, acteur américain vu dans Les Goonies dans le rôle de Brandon Walsh, No Country for Old Men dans le rôle de Lehi Lynn Moss, W l'improbable président dans le rôle de George W. Bush, Harvey Milk, Wall Street l'argent ne dort jamais, Men in Black 3 dans le rôle de Kevin Brown, l'agent K jeune, Avengers Infinity War dans le rôle de Thanos, rôle qu'il reprendra d'ailleurs cette année dans Avengers Endgame, vu aussi dans Deadpool 2 dans le rôle de Nathan Summers alias Cable. 1969, naissance de Darren Aronofsky, réalisateur américain qui l'on doit Requiem for a Dream, Black Swan ou encore Noé. 1979, naissance de Jesse Spencer, acteur australien connu pour son rôle du docteur Robert Chase dans la série Doctor House et son rôle du lieutenant Matt Casey dans Chicago Fire et dans les séries Chicago Police Department et Chicago Med. 1980, naissance de Juan Carlos Ferrero, ancien joueur de tennis espagnol ayant fait carrière de 1998 à 2012, qui était numéro 1 mondial en 2003, qui a gagné une fois Roland-Garros, qui a été une fois finaliste à l'US Open, demi-finaliste à l'Open d'Australie et quart de finaliste à Wimbledon. Et avec l'Espagne, il avait remporté 3 Coupes Davis en 2000, 2004 et 2009. C'est également l'année de naissance de Sarah Lancaster, actrice américaine, vue dans les séries Sauvée par le Gong, La Nouvelle Classe, Krebs, Everwood, What About Brian, et surtout connue pour son rôle d'Eli Bartowski dans la série Chuck. C'est également l'année

Alors ce matin, il y a un petit peu de brume et de brouillard, mais celui-ci va normalement se dissiper plutôt rapidement et on va passer la journée sous le soleil. Des températures comprises entre 0 et 1 degré ce matin, entre 3 et 5 pour cet après-midi. Mercredi, belle journée ensoleillée, des températures comprises entre moins 3 et moins 2 degrés le matin, entre 6 et 8 degrés prévues pour mercredi après-midi. Jeudi, belle journée ensoleillée également, des températures comprises entre moins 1 et 0 degrés le matin et entre 9 et 10 degrés prévus pour jeudi après-midi. Allez, on fait tout de suite un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. En tennis à Rotterdam, a noté hier l'élimination de Benoît Paire face à Stan Wawrinka en 2-7, 7-6, 6-1. Aujourd'hui, Gaël Monfils affrontera Goffin, Pierre-Hugerbert sera opposé à Nishikori et Gilles Simon à Berdych à l'Open de New York. Manarino affrontera aujourd'hui Opelka. Et on va faire un point sur le classement ATP. Il y a un petit peu de mouvement. A noter que Lucas Pouille sort du top 20, il perd 5 places, il est numéro 22 mondial. Richard Gasquet a perdu 3 places. Il est 30e, Gilles Simon est 31e, Gaël Monfils 33e mondial, Jérémy Chardy 35e, Pierre-Hugerbert a gagné 8 places, il est 36e mondial, Adrian Manarino a perdu 2 places, il est 48e, Benoît Paire est 58e mondial. Et à noter la belle performance de Joe Wilfried Tsonga en remportant le titre à Montpellier, il gagne 70 places au classement ATP, il est maintenant 140e mondial. Un mot de basket avec les 8e de finale de la Coupe de France, et c'est déjà terminé pour Nancy qui s'est incliné hier soir face à Antibes 52-65. Et en NBA, à noter que Ntilikina est toujours blessé et que son équipe de New York s'est inclinée face à Cleveland. Miami n'a pas joué pour l'équipe de Washington qui s'est inclinée face à Détroit, et l'équipe de Charlotte de Nicolas Batum s'est inclinée face à l'Indiana 99-90. Deux petits points et 7 rebonds pour Nicolas Batum. À noter que Tony Parker est toujours blessé. Un mot de ski avec les championnats du monde, et Alexis Pinturo a été sacré champion du monde hier sur le combiné. Et on termine avec du football et la Ligue des Champions, le match que tout le monde attend ce soir, Manchester United face au Paris Saint-Germain, mais il y aura également l'AS Rome opposé à Porto. Voilà pour l'actualité sportive, on va tout de suite marquer une dernière pause musicale et je vous ai choisi David Hallyday et le titre « Ma dernière lettre ». Puisqu'au matin il me faudra partir, que vais-je laisser de mon nom ? Quel mot, quelle vie faudra-t-il retenir ? C'est vrai, j'ai joué tant de partitions. J'ai souvent rêvé que je pouvais couper l'image et le son, mais la peur du vide, la peur d'en mourir était plus forte que la raison. Ce que je voulais, c'est juste un dernier cri, c'est ma dernière. Jamais dit ce que je n'ai jamais dit, ce que je n'ai jamais dit. Puisque demain je ne pourrai plus rire, loin de ce monde pour de bon, je voudrais qu'on me les saisons. Ce que je voulais, c'est juste un dernier cri, c'est ma dernière lettre, ce que je n'ai jamais dit. J'aime le silence quand mes yeux se ferment. Je sens le calme et les yeux pour ne plus être l'ombre de moi-même. Que je t'aime avant de faire mes adieux. Ce que je vous jamais dit, ce que je n'ai jamais dit, ce que je n'ai jamais dit, ce que je n'ai jamais dit, c'est juste un dernier cri avant le paradis. David Hallyday, ma dernière lettre sur RGM. Il est un peu plus de 8h51 et c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Avant de se quitter, un point sur ce qui vous attend aujourd'hui. Dans quelques minutes, à 9h, ce sera la rediffusion de 90 minutes pour Boomerang. 13h30, la rediffusion de Minute Bonheur avec Lia. À 16h, rediffusion de Débat Déo. 20h, La Parole est à vous avec Michel. 22h, J'aimais, je voulais lire avec Dominique. Et 23h, 20 Flight Rock. Nous, on se retrouve demain matin, même heure, même endroit. Excellente journée à tous.